Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous. Émission Mosaïque, aujourd'hui, nous allons parler rapatriement des réfugiés burundais. Ils sont nombreux dans les pays de la région et au-delà, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, en Europe et ailleurs. Selon des rapports de l'ONU, plus de 400 000 Burundais ont été poussés à l'exil suite à la seule situation de 2015. Ces rapports ont été pourtant rejetés par l'État burundais. Le président Évariste Ndayishimiye a montré sa volonté de voir les citoyens burundais vivant en exil rentrer au pays. C'était lors de son investiture le 18 juin 2020. Quel défi ! Tous les réfugiés burundais pourraient-ils retourner tranquillement sans craindre quoi que ce soit une fois arrivés au pays ? Y aurait-il certains qui sont toujours déclarés ou considérés comme persona non grata dans leur propre pays? Quels avantages si les réfugiés burundais pouvaient rentrer? Et bien d'autres interrogations, probablement. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Chantal Hatungimana, vous êtes la directrice du département chargée du rapatriement au ministère burundais de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gaspard Kobako, un des responsables du parti CNDD, vous avez été à la tête de la commission chargée du rapatriement des réfugiés après l'accession au pouvoir du président Melchior Ndadaye en 1993, c'est ça? Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis nous sommes avec M. Anissé Niyonkuru, président du parti CDP. Vous avez été le secrétaire exécutif du CNARED. C'était plateforme de l'opposition qui est née après les événements de 2015, mais en exil est toujours. Bonjour et bienvenue. Ah, bonjour. Il devait y avoir un quatrième invité, à savoir la présidente ou la coordinatrice de l'association des femmes rapatriées du Burundi, AFRABU en sigle. Elle aurait peut-être eu un empêchement de dernière minute. La mise en onde est assurée par Albert Douayo, Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze sont avec nous pour la prise d'image. Réalisation de Francine Ndiokubgayo et au micro, vous retrouvez Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. D'abord, la première question à vous, Madame Chantal Hatungimana, directrice du département rapatriement. Que vous dit le discours du président de la République qui appelle les réfugiés burundais à rentrer? Merci pour cette question. Le discours du président qui invite les rapatriés à rentrer. Les réfugiés à rentrer dans leur pays. C'est un discours qui manifeste la volonté politique de notre pays et qui met en priorité le rapatriement des Burundais. Donc, c'est-à-dire que c'est la priorité pour le gouvernement du Burundi. Des rapports de l'ONU rapportent que plus de 400 000 Burundais ont été poussés à l'exil après la crise de 2015. Vous estimez à combien les Burundais qui sont encore en exil? Le fait qu'une personne se réfugie dans un pays ou donc ailleurs, normalement, si moi je suis au pays, je ne saurais pas si tel ou tel a été en exil ou pas. Seuls les pays d'asile possèdent les effectifs corrects, donc des gens qui se sont réfugiés. Sinon, moi je saurais ceux qui sont rentrés, mais ceux qui partent, il est difficile quand même de les maîtriser. Mais de toutes les façons, vous pourriez savoir où se trouvent essentiellement ces réfugiés. Ils sont essentiellement dans quel pays, les réfugiés burundais? Les réfugiés burundais, ils sont en grande partie en Tanzanie, deuxièmement au Rwanda, et puis c'est les autres pays comme l'Ouganda, la RDC et ailleurs. Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et tant que vous avez le micro, une petite question. Un programme pour les rapatriés, ça se porte comment? Le programme pour les rapatriés, normalement, si nous parlons de rapatriés, il y a deux types de rapatriement. Il y a des rapatriés qui sont facilités et d'autres rapatriés qui viennent spontanément, ce qu'on appelle des rapatriés spontanés. Mmh. Et pour ce qui est des rapatriés spontanés, ce sont ces personnes-là qui, en exil, ils éprouvent l'engouement de regagner leur patrie et sans attendre la facilitation ou bien que, quoi que quelque aide que soit-elle, ils décident de rentrer. Ça, ce sont des rapatriés spontanés. Il y a aussi des rapatriés facilités. Donc, c'est le rapatriement organisé qui va les aider à regagner le pays. Ce rapatriement est organisé entre qui et qui? C'est entre le pays d'asile, le pays d'origine, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour la protection des réfugiés. Là, on va y revenir. Monsieur Gaspard Kouakou, vous avez dirigé une commission chargée du rapatriement du temps de Merki-Ondadaï en 1993. Estimez-vous que les conditions sont réunies pour permettre un retour massif des réfugiés burundais à ce jour? Mais d'abord, que vous dit vous aussi le discours du président de la République qui appelle les réfugiés burundais à rentrer au pays? Oui, merci pour la question. Le discours du président et que nous avons suivi en présentiel est un discours qui s'est voulu rassurant, mais c'est un discours qui, à entendre tout son contenu, on peut nuancer. Mmh. On peut nuancer parce que il a appelé les réfugiés à regagner leur pays pour construire la nation burundaise ensemble avec les autres Burundais. Mais en même temps, il a ajouté un bémol en disant que ceux qui ont commis des actes devraient en répondre en quelque sorte. Quels actes? Ça veut dire que ceux qui se sont rendus coupables à un certain moment. Je précise, en 2015, je pense. Il y revenait d'ailleurs au cours de la célébration de l'anniversaire du 58e anniversaire. Il est revenu. J'ai eu à m'exprimer là-dessus. Je pense que si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 2, donc le lendemain. Et je me suis exprimé à haute intelligible sur ce que j'en pensais. Donc c'est un bon discours, mais aussi qui doit avoir des mesures d'accompagnement pour que tous les réfugiés puissent rentrer. Ici, je voudrais préciser quelque chose. Pour que les réfugiés rentrent, il y a deux façons. Comme le disait madame en charge du département du rapatriement au sein du ministère. Et elle parlait de spontané, facilité. Oui, oui. Il y a des rapatriés spontanés. Nous en avons connu à l'époque, lorsque le président Dada Emilio nous a fait confiance. Et les rapatriés spontanés étaient beaucoup plus nombreux que les rapatriés qui étaient facilités par les gouvernements et le HCR, c'est-à-dire le gouvernement des pays d'accueil et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, je voudrais souligner quelque chose sur laquelle je reviens souvent. Pour que les réfugiés rentrent, il y a deux instruments, même trois. Un, il y a la Convention de Genève de 1951 qui définit bien les conditions de retour des réfugiés dans un cadre digne. Et c'est la Convention de Genève de 1951. Cette convention a été complétée par la convention de l'OIA. À l'époque, je crois que c'est la convention de 1969, avec des protocoles additionnels pour faciliter le retour, compte tenu de ce qui a été observé dans les embûches de rapatriement. Il y a aussi les rapatriés spontanés. Ceux-là, à partir du moment où ils estiment que ce qui a été à l'origine de leur exil a cessé d'exister, ils ne vous avertissent pas. Ils ne passent pas par le HCR, ils ne passent pas par le gouvernement. Ils y rentrent directement. Et nous avons eu affaire à beaucoup de rapatriés spontanés qui finalement nous ont causé des problèmes, étant entendu qu'on n'avait pas encore préparé ce retour. Et figurez-vous, lorsque j'étais le président de la commission de rapatriement des réfugiés burundais, chargé du retour de l'accueil et de la réinsertion, C'est tout un programme qu'il faut prévoir, qu'il faut programmer. Nous avons été envoyés en mission au Rwanda, au Zaïre de l'époque, l'actuelle République démocratique du Congo, en Tanzanie, pour dire aux réfugiés d'attendre pour qu'on se prépare à leur retour. Parce que déjà, la pression était énorme. Et vous les avez appelés à patienter? Nous les avons appelés à patienter, mais figurez-vous, avant la fin de la mission, ils étaient déjà sur place. Et nous avons été obligés de les accueillir, compte tenu des conditions dans lesquelles nous vivions. On n'avait pas encore d'assistance. On a mis les bouchées doubles pour qu'on puisse les accueillir autant que faire le soupe. Et nous l'avons fait. Et rapatriement spontané, rapatriement facilité, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est mieux par rapport à l'autre? Bien entendu, c'est le rapatriement programmé parce que ça demande une préparation aussi morale, aussi physique, aussi matérielle pour qu'on puisse l'accueillir. C'est-à-dire, il y a tout un dispositif qu'il faut monter dans les centres de transit pour qu'on puisse les accueillir. Il y a ensuite des préparations en termes d'assistance, aussi bien matérielle, agricole que financière, pour pouvoir les accueillir dans leur famille d'origine, mais aussi pour pouvoir les réinsérer socio-professionnellement. Je vais revenir vers vous. Monsieur Anissé Niyonguru, du parti CDP, ça ne fait pas si longtemps que vous êtes rentré de l'exil. Vous avez été secrétaire exécutif du Sénared, cette plateforme de l'opposition qui vit en exil. Et vous avez quitté ce Sénared pour participer aux élections de 2020. Vous avez eu des facilités peut-être pour rentrer. Pourquoi les autres responsables de cette plateforme de l'opposition ne rentrent pas au pays? Non, c'est une question de détermination d'abord. C'est une question de détermination parce que nous avons décidé de rentrer, nous avons été très bien combattus. Combattus par les collègues qui étaient avec moi, combattus par les autres réfugiés qui sont à l'étranger. C'était en Belgique? Non, moi j'étais en Allemagne, mais bon, le bureau était en Belgique. Alors, il y en a qui pensaient que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour qu'on puisse rentrer. Alors, moi j'ai dit, parce que je suis d'abord politique, et j'ai dit... Depuis 2010, l'opposition burundaise boycotte les élections. 2010-2015, et maintenant on va les boycotter encore en 2020. J'ai dit, je suis déterminé, je dois rentrer pour participer aux élections 2020, avec les gens qui me comprennent. Alors vous voyez, donc il y a eu un problème très énorme entre moi et mes collègues qui disaient que non, nous devons réunir toutes les conditions. Alors moi, parce qu'avant, j'étais venu au Burundi pour rencontrer l'actuel président de la République, qui était en son moment secrétaire général du parti CNDD-FDD, et qui était mandaté par le pouvoir pour rencontrer une délégation de l'opposition qui vient de l'étranger. J'étais venu avec Mamès Bansubiyeko. Je pense que le public nous a vus à la télévision. Mamès Bansubiyeko, il est en Belgique. Et il est retourné en Belgique. Oui, il est retourné. Bon, lui il travaille là-bas. Il m'accompagnait parce qu'il y avait une sorte de mésentente entre moi et mes collègues, entre moi et les autres réfugiés qui sont à l'étranger. Alors, après m'avoir assuré que la sécurité sera assurée, la sécurité des rapatriés sera assurée, j'ai dit c'est l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est la sécurité. Alors, il n'y a pas eu d'autre facilité. Hein. Il n'y a pas eu d'autre facilité matérielle, ni de facilité financière. Nous sommes venus, madame la directrice qui est à côté de moi, elle sait que nous avons été à son bureau pour demander plusieurs fois une assistance. Et elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'était pas suffisant pour assister les gens qui rentraient. Et c'était un courage exceptionnel de voir les gens qui, à la veille des élections, prenaient le courage de rentrer alors que les autres Burundais prenaient le passeport pour s'exiler, pour échapper à cette période électorale qui était censée comme... Mais pourquoi cette division, pourquoi cette mésentente entre des politiques qui vivent en exil? Vous avez pris l'option de rentrer et les autres prennent toujours l'option de rester là où ils sont. Vous voyez, quand vous êtes à l'étranger, avant de prendre la décision de retour, il faut être rassuré. Il faut être rassuré, il faut que vous ayez une sécurité sûre au préalable, à l'avance. Et dès qu'au niveau intérieur, vous n'avez pas cette sécurité, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que si vous êtes à l'étranger, moi je me promène très, très librement à Bujumbura et à l'intérieur du pays, seul, dans ma voiture, je n'ai plus de sécurité, je n'ai plus de policiers derrière moi. Et ça, c'est après avoir constaté que ce que j'avais dans ma tête, il y a une différence entre la conception quand on est étranger et la réalité au Burundi. Donc les gens qui pensent que c'est aller se suicider, ils ne prennent pas l'option de rentrer. Donc ils attendent. J'ai dit en certain moment quand je suis rentré, j'ai dit je suis comme une cobaye. Une cobaye comme un souris qu'on injecte en produit, en attendant qu'il meure ou qu'il vive. J'ai dit, cette fois-ci, la souris ne va pas mourir. Parce que j'étais un peu rassuré moi-même. Alors maintenant, et bien sûr... Mais qu'est-ce qui vous rassure, qui ne peut pas rassurer les autres qui restent encore en exil? C'est d'abord une conviction personnelle. Oui, parce que là, il y a le courage. Tout le monde n'est pas courageux au même niveau. Quand vous êtes courageux, vous dites, OK... je suis un homme politique, j'ai des militants aussi à l'intérieur du pays, je vais vivre comme ils vivent. Alors c'est une option. Il y a d'autres qui disaient, c'est moi, alors si je ne suis pas personnellement rassuré, je ne rentre pas. Alors c'est pourquoi je dis, comme vient de le dire l'orateur précédent, il faut que les gens soient rassurés de leur sécurité. Bien que nous, on n'est pas inquiétés, tous ceux qui sont venus avec moi ont eu la sécurité à 100%. Ils se promènent à pied. Et deux mois après, ils se promenaient à pied dans tout Bujumbura. À l'intérieur du pays, ils n'ont aucun problème. Vous voyez, c'était des jeunes qui avaient manifesté en 2015, qui sont venus avec moi. Et ils ne sont pas inquiétés. Et c'est extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Personne alors. Il y a un papier qu'on nous donne à la Direction générale du rapatriement. Et là, quand vous avez ce papier-là, c'est comme un laissez-passer. Et quand vous êtes même, si on vous arrête quelque part, et puis vous dites, voilà je viens de me rapatrier, c'est comme c'est un code, comme l'administration, la police et tout, ils se sont entendus qu'il ne faut pas gêner les rapatriés. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'était important de voir que même les jeunes qui étaient connus comme ayant manifesté en 2015, qui étaient venus dans notre équipe, ne sont inquiétés aucune manière. Et c'est important. Donc, je dis, les Burundais qui sont à l'étranger ont vraiment peur. Donc, il faut arriver à les joindre et à leur expliquer que... En peu de mots, estimez-vous que les conditions soient réunies aujourd'hui pour que ces Burundais vivant en exil puissent se rentrer? Pour moi, en tant que nouvellement rapatrié, j'estime que les conditions sont remplies. Alors, je demande à mes collègues et à mes amis qui sont encore à l'étranger de penser à retourner au pays. Et je pense que la sécurité dont j'ai bénéficié peut être aussi bénéficié par ceux qui sont derrière moi. Permettez que je passe de nouveau le micro à Madame Chantal Hatungimana, directrice du rapatriement. C'est peut-être la même question. Est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que les réfugiés burundais puissent rentrer? Ils sont partout dans le monde. Pour cette question, la réponse se retrouve d'abord, premièrement, au niveau de la loi. Au Burundi, il y a d'abord le droit burundais au niveau de la constitution, notre constitution. Il y a l'article qui dit que le réfugié, donc tout citoyen, peut s'établir n'importe où. Il peut sortir du pays quand il veut et revenir. D'abord, il y a cette loi-là qui donne la liberté à toute personne de revenir quand il voudra. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi donc la politique, alors. D'abord, si nous partons même par rapport au discours du président, il y a aussi alors les institutions mises en place pour gérer cette question. Il y a le ministère en charge donc des rapatriés, c'est-à-dire qu'il va étudier toutes les questions. Il y a un département, la direction générale en charge de ce rapatriement. Il y a aussi d'autres institutions qui peuvent venir pour essayer de remplir les conditions, notamment la CNTB qui va s'occuper des questions des uns et des autres. Alors pour moi, je trouve que s'il y a des prédispositions en faveur de ces rapatriés, et ce qui va couvrir le tout, c'est la sécurité. Et une petite question, quel est l'état des lieux par rapport à la collaboration je vais parler de la tripartite, Burundi, HCR et les pays hôtes. Il existe quelle sorte de collaboration pour que ces réfugiés puissent rentrer? Bon, ces réfugiés rentrent bien sûr dans un cadre bien, bien précis, dans le cadre alors de ces accords tripartites. Et plusieurs pays qui abritent les réfugiés burundais, ils ont déjà eu des accords avec le Burundi. Je citerai le premier pays qui a signé l'accord avec le Burundi, c'est la Tanzanie qui l'a signé en 2001. Il y a le Rwanda qui l'a signé en 2005. Il y a la RDC qui l'a signé en 2009, ainsi que l'Ouganda qui est le dernier à signer cet accord en 2013. Ah oui, donc c'est-à-dire que dans le cadre de ces accords-là, les gouvernements mettent en place des institutions pour opérationnaliser ces accords, notamment les commissions tripartites, et qui se réunissent autant que de besoin pour statuer sur les questions des rapatriés. Est-ce que le Burundi se parle avec ces pays pour, en faveur du rapatriement, justement? Oui, oui. Comment est-ce que le gouvernement burundais se parle avec le Rwanda voisin? Pour le Rwanda, je crois que depuis 2013, le gouvernement essayait d'échanger. D'abord, c'était à partir du tripartite, de la réunion tripartite qui était effectuée en Ouganda où on avait besoin de transit au niveau du Rwanda. Et depuis cette date-là, ils essaient donc de communiquer, d'abord de demander le transit. Quoique la communication n'a pas été effective. Une petite question et vous pourriez y répondre brièvement. Est-ce qu'il y a des indésirables burundais en exil? Ça, moi, en tant que technicien chargé du rapatriement... Personne n'en grata. Est-ce qu'ils existent? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Parce que moi, je suis purement technicien. Alors ça, c'est... Je ne pourrais pas vraiment avoir une réponse satisfaisante. Monsieur Gaspard Kobako, vous avez été chargé du rapatriement des Burundais. Est-ce que parmi les réfugiés, il peut y avoir des indésirables face à leur propre pays? Avant que je ne réponde à cette question, je voudrais revenir sur un élément sur lequel je me suis exprimé. Il est revenu, mon ami Anicette, président du CDP. La sécurité d'abord intérieure. Oui. Ça, c'est très important. Au-delà de la loi, au-delà des instruments juridiques, internationaux et nationaux. La sécurité d'abord intérieure. D'expérience, un réfugié qui se trouve dans un pays d'asile, qui n'a pas beaucoup bougé, pour peut-être venir voir ce qui prévaut dans le pays comme... Elle a vécu. Anicet est venu voir, il est retourné là-bas. Et généralement, et il garde l'image. Il garde l'image qu'il avait. En exil. Avant qu'il ne parte en exil. Je l'ai constaté, j'ai discuté avec des réfugiés en Tanzanie. J'ai discuté avec des réfugiés au Rwanda. Et à RDC à l'époque, qui s'appelait Zahir. Il garde cette image. Et il est fort probable que mon président garde toujours l'image qu'il avait il y a 9 ans. À quelques différences près. Parce qu'il est régulièrement informé par nous et d'autres militants. Votre président, vous parlez de... L'honorable Léonard Nyangoma. Est-ce qu'il compte venir un jour pour s'installer définitivement à Burundi? Je vais y arriver. Mais il n'est pas le seul avec les autres. Bien sûr, je vais y arriver. Alors... Quelque chose que j'ai entendu, c'était le 10 juillet, j'étais à Ngozi sur l'invitation de son Excellence en collaboration avec le Forum des partis politiques. J'ai entendu qu'il y avait des tueries au moins dans 3 ou 4 provinces. Et nous avons la même information. 10 juillet dernier. Oui, oui, tout à fait. C'était vendredi, je pense. Alors j'écoutais cette radio qui disait qu'à Kirundo, à Muyinga, Tega, etc., et à Makamba, si je me trompe, il y avait des tueries. Imaginez-vous un réfugié qui entend cela. quel que soit le mobile de la tuerie. Alors, madame en charge de la direction du rapatriement parlait de la loi. La loi, c'est une chose. Sa mise en œuvre, ça peut être aussi une chose. La loi burundaise reconnaît qu'on a la liberté d'aller et de venir. Ça, c'est dans les conditions normales, madame. La liberté d'aller et de venir. J'ai la liberté de me rendre en Tanzanie, de me rendre en Ouganda, nuit était le Covid-19, de me rendre en Europe, d'aller et de venir. Ça, c'est dans les conditions normales. Alors, considérez ce que je viens de dire. Alors, l'existence d'un département en charge de la question du rapatriement, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons connu combien de commissions ici au Burundi. Il y a eu la commission Mandi. Les gens n'ont pas connu d'Afrique, c'est parce qu'il y avait une commission. Parce que quand il est entré, il n'était pas rétabli totalement dans le droit. Il y a la commission que j'ai remplacée. Je crois qu'elle était dirigée par le professeur Rukingamba. Et nous avons fait la mise en place avec le professeur Porungarambe. Et après cette commission, les gens sont venus et nous avons accueilli en l'espace de 3 mois entre 35 000 et 40 000 réfugiés. C'est-à-dire, pour un retour organisé en terre, accueil n'est pas possible. Parce qu'il y a des normes, le HCR considère qu'il faut accueillir les 50, 100 maximum en fonction des dispositifs mis en place, les camions, le centre de transit d'accueil, etc. Maintenant, il y a eu la commission qui a suivi, n'est-ce pas? Oui. Sous la convention de gouvernement. Il n'y a pas aussi eu beaucoup d'affluence. Figurez-vous qu'à un certain moment, je me rappelle qu'il y a tout l'entourage du cabinet, du ministre qui avait en charge le patrimoine à l'époque, qui s'est retrouvé à Mimba. C'était sous Boyoya 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont condamnés plutôt de subutiliser les aides qui étaient destinées aux réfugiés et déplacés, essentiellement déplacés, parce qu'il n'y avait plus de rapatriement. Venons maintenant à la tripartite. Il y avait une tripartite. HCR, Burundi, pays hôte. Cette tripartite fonctionnait simultanément et en même temps. Maintenant, il y a une tripartite. C'est-à-dire, on a révisé les accords entre pays. Et j'ai bien noté que c'est en 2001 en Tanzanie, 2005 au Rwanda, 2009 à RDC et 2013 en Ouganda. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette synergie? J'entends qu'il y a un mouvement de rapatriement qui s'adresse essentiellement à la Tanzanie. Pourquoi pas au Rwanda? Puisqu'il y a un accord. Pourquoi pas à RDC? Parce qu'il y a des réfugiés et parce qu'il y a un accord. Pourquoi pas en Ouganda? Parce qu'il y a des réfugiés et parce qu'il y a un accord. Alors, venons-en maintenant à la question. Y a-t-il des indésirables? Je ne sais pas s'il y a des indésirables. Est-il que le président de la République a dit que il voudrait voir tous les réfugiés rentrer pour bâtir la même nation, oui, c'est-à-dire la nation burundaise. Mais j'ajoute, il y a des hommes et des femmes sous mandat. Je ne sais pas si c'est synonyme, mais il y a des femmes et des hommes réfugiés burundais qui sont sous mandat. J'ai proposé. Et vous pensez que ces mandats peuvent être supprimés, levés? C'est la meilleure façon. Moi, je me suis exprimé précisément le 10, j'étais en Ngozi, dans une réunion qui était organisée autour du président de la République, en parlant du parent, le mouvieille, n'est-ce pas? Et je me suis exprimé dans la langue nationale en disant « Ishavur du mouvieille, ça veut dire que c'est le pardon. Et c'est le pardon qui peut nous sauver. Nous péchons tous les jours, comme dit la Bible, et nous nous repentissons autant de fois. Ça veut dire que si ces mandats ne sont pas levés, les gens vont considérer que ce sont des personas non grata ici au pays. Et oui, je pense que c'est la meilleure façon. Mais parce alors... que le président a ajouté, si vous avez péché, étant un enfant, n'est-ce pas, on peut vous pardonner. Mais quand vous l'avez fait, sciemment, étant adulte, attendez-vous aux conséquences. Ça dit ce que ça dit. Je pense que c'est clair. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je ne sais pas s'il y a des personnes indésirables. Et pour, mais vous, est-il et que, pour vous, alors. Et ça constitue une barrière. Faudrait-il des préalables? C'est ce que vous dites? Moi, je pense que si on lève ces mandats, ces gens pourraient être rassurés. Et ces personnes représentent d'autres, figurez-vous. Oui. Nous avons exprimé, par exemple, le souhait, c'était le 15 février. De cette année, le souhait de voir notre président rentrer pour animer le parti. Et le parti serait revigoré parce que les militants seraient encore plus confiant en disant « Même notre patron est là. » Qu'est-ce qu'il craint? Il y craint ce qui a été à l'origine. Mais vous, vous êtes au pays, M. Kobako. Je suis au pays. Vous voulez que je vous réponde? Il y a des responsables politiques, des anciens dignitaires qui ont dit « Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais ce pays. » Monsieur Anisani Ongourou. Ça dépend. Moi, je peux être rassuré. Je peux dire « J'ai fait même plus dur que ça. » Des préalables avant le retour des réfugiés burundais. Est-ce que c'est nécessaire? Exactement. Parce que vous m'avez posé une question tout à l'heure de savoir si les conditions sont remplies. Ce sont les conditions de sécurité à l'intérieur, ici. Les conditions de sécurité des rapatriés, c'est rempli. Si je prends l'expérience de moi et de mes collègues et de mes amis qui se sont rapatriés avec moi. Mais ceux qui sont à l'étranger, ceux qui restent encore à l'étranger, il y a des préalables, bien sûr. Il y a des préalables parce qu'il y a cette préparation morale et psychologique de nos réfugiés qui ont peur pour dissiper un peu leur peur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi cette catégorie des réfugiés politiques. Profondément politique, des acteurs politiques, des responsables politiques qui étaient bien sûr avec moi au Sinared et dont certains ont encore ces mandats, ces mandats d'arrêt internationaux. Ces mandats d'arrêt internationaux, c'est vraiment une barrière, c'est une forme de barrière, de blocage. Des leaders politiques qui sont à l'étranger de revenir. Et c'est une préalable. Et les préalables, c'est quoi? Je dis, et maintenant, le nouveau gouvernement, on l'a appelé les Tamvieilles. C'est-à-dire, c'est le père, c'est vraiment la mère, père, les parents de cette nation, et qui ont des enfants. Et quand vous avez des enfants, vous pouvez avoir des bandits, vous pouvez avoir des malhonnêtes, vous pouvez avoir des idiots, tout ce que vous... Parmi les enfants, chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Il peut commettre des bêtises, mais en tant que parent, vous ne pouvez pas enregistrer cette bêtise pour l'éternité. À un certain moment, vous dites « Ok, ça va, je laisse tomber cette bêtise-là parce que cet enfant est nécessaire pour la reconstruction de cette maison. » Et tous les réfugiés burundais qui sont à l'étranger, que ce soit les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés Tanzanie, RDC, Rwanda, Congo, et un peu partout dans le monde, plus les réfugiés politiques, les leaders politiques sur l'étranger, le Burundi en a besoin. Le président de la République a dit, pendant 15 ans, nous avons construit une plateforme, c'est-à-dire Umushinge, comme on le dit en Kirundi, une plateforme, et maintenant on va monter les piliers pour construire, il faut construire. Et dans la construction de notre plateforme, de notre base, qui est le Burundi, à l'état où nous sommes, nous avons besoin des experts de tout le monde, burundais, nos compatriotes qui sont à l'étranger. Alors ces préalables-là, c'est les rassurer et enlevant ces mandats, parce qu'en 2015, nous avons eu une débandade générale suite au troisième mandat du président de la République. Il y a eu une débandade générale. Et pendant cette débandade, il y a eu des réactions différentes. Certains ont réagi en manifestant, les autres ont réagi en prenant des armes, les autres ont réagi en courant, en fouillant. Il y a eu une débandade, même à l'interne du parti au pouvoir, il y a eu une débandade générale. Et maintenant, c'est en fait faire une sorte de reconstruction morale en revoyant un peu ce qui a eu lieu en 2015 et dire maintenant on laisse tomber, comme le pouvoir a dit, nous pardonnons tous les jeunes qui ont manifesté. Ils peuvent revenir, il n'y a aucun problème. Ça, c'est important parce que je suis revenu avec des jeunes qui ont manifesté et qui sont en paix au Burundi. Et maintenant, il faut pardonner aussi tous ceux qui ont fait des réactions diverses, bien sûr plus violentes que les manifestations. Il faut pardonner et dire, voilà, maintenant on reconstruit notre nation, les mandats, on laisse tomber. Il y a beaucoup de procédures pour laisser tomber ces mandats, pour rassurer nos compatriotes, nos leaders politiques qui sont à l'étranger, pour qu'ils rentrent en toute sécurité. Sinon, il y a M. Gaspard Kobako qui parle de retour massif des réfugiés en 1993. Est-ce qu'on peut assister à ce retour massif aujourd'hui? Et aujourd'hui, où on est en train d'assister au changement des institutions. 2020, ce n'est pas une année comme les autres. Ces institutions de l'État, il y a le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout est en train d'être changé. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un retour massif de la population vivant en terre étrangère aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, je dis, même si les conditions pour les rapatriés qui parviennent à arriver au Burundi sont rassurées, donc sont remplies les conditions de sécurité, mais les conditions morales de ceux qui sont encore étrangers ne sont pas encore remplies. C'est pourquoi il faut créer une condition, pas être partie, comme on dit, mais une condition mixte à l'intérieur du pays, comprenant les hommes politiques, comprenant les acteurs politiques, la société civile, l'administration, pour aller les rassurer. Sinon le seul changement des institutions, et vous voyez, il faut suivre les réseaux sociaux, c'est le même parti, voilà, donc c'est pas encore changé comme... Vous voyez ? Alors, il y a beaucoup de considérations qui font en sorte qu'il peut ne pas y avoir beaucoup d'engouement s'il n'y a pas des personnalités politiques, société civile et tout ça qui puissent aller les convaincre pour les rassurer pour qu'ils rentrent. Parce qu'en 93... Qu'est-ce qui manque, ces institutions qui sont là, est-ce qu'elles ne peuvent pas se rendre dans le pays hôte de ces réfugiés, où vivent ces réfugiés, pour les convaincre et les rassurer? C'est ça que nous attendons. Mais une commission, pas seulement le gouvernement, pas seulement les envoyés du gouvernement, il faut que les acteurs politiques s'y investissent. Il faut que nous qui sommes rentrés récemment et dont certains sont venus des camps de réfugiés de Mahama au Rwanda, de Nakivale en Ouganda et des camps de réfugiés de la Tanzanie, et qui connaissent bien leurs compatriotes et qui peuvent dissiper leurs peurs, soient associés pour que nos compatriotes soient rassurés. Même s'il y en a qui demandent personnellement de retourner. Et puis surtout, je m'excuse un peu, l'accueil que le pouvoir nous a réservé, et nous qui sommes récemment rapatriés, et bien que le HCR à Genève en novembre, vers début décembre, je sais, il y a une réunion pour dire les rapatriés spontanés et les rapatriés, c'est pas organisé, doivent être accueillis de la même manière dans le pays dans leur pays. Est-ce que vous pensez que ceux qui restent encore en exil, les autres responsables du Sénarède peuvent bénéficier d'un accueil que vous avez eu ici à Bujumbura? Sécurité, c'est bon, mais bon, si, je ne sais pas, mais il faut qu'ils soient rassurés d'abord. Ils peuvent bénéficier de la sécurité que moi-même j'ai bénéficié, mais il faut qu'ils soient d'abord convaincus et que ces mandats-là soient levés pour qu'ils reviennent en toute sécurité intérieure. La sécurité intérieure très importante pour le retour avant la sécurité physique. Madame Chantal Hatungimana du service rapatriement, est-ce qu'un retour massif des réfugiés burundais est possible aujourd'hui? Normalement, le rapatriement, le retour d'un rapatrié est volontaire. Moi, en tant que chargée du rapatriement, je ne pourrais pas dire qu'il y aura un retour massif, alors que chaque personne rentre par son consentement mutuel, donc personnel. C'est-à-dire que c'est le réfugié qui se sent à son fort intérieur tranquille, apaisé et rassuré, et qui va rentrer. Alors, en tant que rechargé de rapatriement, je ne pourrais pas programmer un retour massif. Non. Et il y a M. Anissé qui parle de mandat. Il y a des personnalités qui sont encore sous mandat. Est-ce que ces mandats peuvent être levés? Moi, je crois que j'ai bien répondu. Je ne serai pas la personne habilitée à prononcer qu'un mandat sera levé ou pas, ou bien qu'une personne est non grata ou pas. Non, ça serait vraiment mentir. Qu'est-ce qui constituerait un obstacle à ce retour massif des réfugiés? Et serait-ce le manque de volonté pour ces réfugiés? C'est ce que vous allez dire. Bon, d'abord, pourquoi tu veux un retour massif? Tout au moins un retour. Disons, parlons retour. Oui. Et est-ce qu'il y a manque de volonté pour les réfugiés ou pour les responsables d'ici au niveau du pays? Non, moi, je ne pourrais pas qualifier de manque de volonté pour les réfugiés. Mm. Parce que si on est à l'exil, donc c'est-à-dire que c'est lorsque tu donc ce sont les réfugiés qui ont le choix. Bien sûr. Oui, si. S'ils ne choisissent pas de rentrer, qu'ils restent là-haut. Non, je ne dis pas qu'ils restent là-bas, mais je ne les force pas de rentrer. Mm-hmm. Non, je ne les force pas de rentrer. Je vais attendre à ce qu'ils vont se sentir mieux. Je vais travailler au niveau de l'intérieur du pays. Je vais accueillir les autres qui vont venir comme je le peux, mm-hmm. pour que ça pourra peut-être lui influencer ou le stimuler. Je ne sais pas. Mais. Je ne pourrais pas le forcer, dire qu'il a la mauvaise volonté, le juger, le critiquer, pas du tout. Ouais. Et il y a le président de la République qui appelle ces Burundais à rentrer. Vous vous êtes chargé de ce rapatriement au sein du ministère. Est-ce qu'il y a une échéance, un délai que vous pouvez donner à la population burundaise et dire d'ici telle année, on aura accueilli tel nombre de réfugiés? Bon, normalement, au niveau du rapatriement, sachez que le rapatriement, d'abord, c'est un processus qui date de 2017 pour le rapatriement organisé et facilité. Toutes ces années, nous avons accueilli des rapatriés facilités, même spontanés aussi. Mmh. Alors, dire que de telles chances, on aura reçu autant ou autant, nous, au niveau du rapatriement, nous planifions. Mmh. Nous planifions, nous disons, compte tenu des moyens disponibles pour cette année-ci, nous comptons rapatrier autant. N'est-ce pas? Ça, c'est un chiffre de planification. Et s'il y a des fois où le chiffre est dépassé, il y a des fois où le chiffre n'est pas atteint. Parce que le rapatriement est volontaire. Et de notre côté, nous avons atteint notre objectif. Parce que l'objectif, c'est d'accueillir tout rapatriement qui souhaite rentrer. Oui. Et même s'il y a deux qui ont souhaité rentrer, c'est-à-dire nous avons atteint l'objectif parce que ces deux personnes, nous les avons accueillies. Voilà. Et moi, à placer M. Gaspard Kobako. Oui, merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par bien de terminer. L'objectif sera atteint à partir du moment où tous les réfugiés burundais qui le désirent, bien entendu, auraient été sur leur sort. Parce qu'il y en a qui le désirent, il y en a qui peut-être sentent encore de la peur parce que la paix est intérieure. Je voudrais souligner quelque chose. Il ne fait pas beau vivre à l'extérieur du pays, surtout quand on y est contre. N'est-ce pas? C'est comme Einstein. Même si c'était un savant, il n'était pas content de vivre aux États-Unis. N'est-ce pas? Il aurait souhaité vivre et mourir en Allemagne, son pays d'origine. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais peut-être paraphraser le ministre de l'Intérieur dans ses attributions et la sécurité. Qu'est-ce qu'il disait, le 10? Il disait qu'en Tanzanie, on considérait qu'un réfugié est moins qu'une fourmi. Il rappelle les Tanzaniens, je le sais. Oui, oui, il vous rappelle moins que vous êtes fourmi. Sûr, moins qu'une fourmi. Sa valeur est inférieure, donc, est inférieure à une fourmi. Ça, c'est le ministre. Je paraphrase le ministre. C'est une personne. Une personne. Et il vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous et que donc, à tout moment, on peut faire de vous ce qu'on veut. Et vous savez ce qui se passe. Et je pense que nous suivons les mêmes radios. Dès lors qu'il y a eu une demandante générale, et c'est peut-être en termes militaires, quand il y a eu des mandats, les gens, n'est-ce pas, les commandants d'équipe, les chefs d'équipe, les commandants de section, peloton, etc., ils rassemblent les troupes. Et je parle le langage que le président de la République comprend. Je le sais. Il faut rassembler ces enfants, ces brebis qu'on pourrait qualifier même de galaises, pour qu'on construise la même nation. Il faut que chacun sente qu'il a une part à donner. Il faut qu'il y ait un pardon. Vous avez posé une bonne question. Peut-il mais y le avoir... pardon est... Mais le pardon ne doit pas être forcé. Aussi. Non, non. Mais pardonner ne veut même pas dire oublier. Ça, c'est le train Saint-Père qui le disait en 1990 à Mutanga, lorsqu'il est venu rendre visite au Burundi. C'est quoi? C'est le pape Jean-Paul II. Merci. Il disait pardonner ne veut pas dire oublier. Et c'était référence faite au crime qui a été commis. Mais pardonner quand même. Il faut pardonner quand même. Il faut se repentir autant que faire se peut, parce que il paraît qu'on pêche combien de fois par jour, je ne sais pas, mais c'est à tout moment, et c'est pourquoi on demande pardon aussi à tout moment. Vous avez posé une question aussi intéressante. Peut-il y avoir un retour massif? Je pourrais la poser autrement. Y a-t-il un retour massif aujourd'hui, comme je l'ai observé en 1993? On devrait le constater, on ne devrait pas se le demander. Parce que quand il y a un retour massif, c'est un signe de confiance. Ils ne demandent pas la planification. Ils viennent tout court. Et souvent, ils disent, je ne vous demande rien, je vais chez moi. Ça, c'est des choses qui sont arrivées. Bien sûr. Il y a des conditions non encore remplies, je n'y reviens pas. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et je rappelle que dans la réunion du 10, il y a des hommes politiques, y compris moi-même, qui ont dit. On peut accompagner le gouvernement, on peut accompagner le ministère ayant l'intérêt dans ses attributions. On peut accompagner le département pour dire, allons ensemble pour rassurer nos compatriotes, pour qu'ils rentrent à l'heure d'écrivain la situation qui prévaut. Peut-être que qu'ils entendent, qu'ils n'appréhendent pas. Ça peut être l'un des préalables, donc. Vous, les politiques, accompagner le gouvernement. Ce n'est pas une exigence. C'est une proposition. C'est une proposition. Parce que nous connaissons à une certaine période où des membres du gouvernement sont allés forcer des gens à rentrer. C'était en Tanzanie, j'ai la lettre, voyager en arsenal, où le ministre qui avait en charge le rapatriement à l'époque, c'était le ministre Libéré Barounyeretse. Il est allé avec trois voies de solution. À proposer aux réfugiés. Et même au gouvernement tanzanien. Mais ces propositions étaient somme toute mauvaises. Ils proposaient que les réfugiés qui ne veulent pas rentrer, qu'on leur donne la nationalité. On ne peut pas forcer un gouvernement à donner une nationalité. C'est de la volonté de son gouvernement ou de la demande des réfugiés. La deuxième solution, c'était de dire rentrez-nous ces réfugiés. Une solution impossible. Parce que si vous ne les rentrez pas à force, le lendemain, ils retournent. La troisième solution, c'était pour dire éloignez-les le plus possible, peut-être tout près de l'océan Indien. Et au moins, ce pays a des dimensions. Pour qu'ils ne gênent pas. Mais nous n'avons pas encore ces dimensions de la Tanzanie où on pourrait mettre à une distance de 250 km. Parce que les réfugiés congolais qui viennent ici, pour la plupart, sont réfugiés conseillers. Aucune de ces propositions n'est possible aujourd'hui pour le Burundi. On ne peut pas proposer de mauvaises solutions. Alors, si vous forcez les gens à rentrer, c'est très important. Ça, c'est d'abord contre les instruments internationaux, la Convention de Genève, la Convention de l'UA. Et c'est contre même la loi nationale. Oui. Parce que nous accueillons aussi des réfugiés. Dès lors qu'ils ne sentent pas qu'ils sont en sécurité, que dans leur pays, il y a toujours de l'insécurité, ils ne rentreront pas. Isanganiro. Et alors, des propositions qui seraient mieux pour favoriser ce retour des réfugiés? Moi, je pense que la meilleure proposition, la meilleure solution, c'est d'accompagner les gouvernementaux pour aller rassurer ces réfugiés, pour qu'ils puissent rentrer. Leur dire la vérité, et rien que la vérité. Dans ces pays de la région, en Europe et ailleurs? Oui, tout à fait. À leur décrivant la situation qui prévaut au Burundi, comment nous avons pu vaincre la peur, mais aussi et surtout lever ces mandats. Ces gens ont besoin d'être rassurés. En voilà un qui a été rassuré parce qu'il a d'abord été ici au pays et puis il est retourné pour rentrer le sien. Je pense que cela devrait être. C'est comme ça. Et cette paix finalement intérieure devrait accompagner la paix nationale. Parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réfugiés, le Burundi n'aura pas à s'inquiéter. Parce que le comportement d'un réfugié, c'est exactement le comportement de quelqu'un qui est en guerre. Parce qu'il se dit, je veux absolument rentrer dans mon pays. Si on est fatigué par exil, souvent on est tenté de se suicider même. Il y en a d'autres qui renoncent. Parce que j'apprends aujourd'hui qu'il y a 10 000, je crois, réfugiés burundais qui sont proposés pour la réinstallation ailleurs. Ça veut dire que ceux-là ont déjà renoncé. Mais je vous dis et je le souligne, il ne faut pas vivre dans son pays. Quelqu'un me disait, je crois que c'est un compatriote qui vivait au Canada, il avait des difficultés. Il a dit, rien ne fait bon vivre que dans son pays. Dans votre pays, il y a peut-être très peu de nourriture, mais c'est l'idéal de vivre dans votre pays. Parce qu'il n'avait pas la paix là où il était, là où il avait trouvé asile. Il est rentré, il est ici. Des propositions de solutions, M. Anissé Niyonguru. Merci beaucoup. Vous avez vécu l'exil et vous êtes rentré au pays. Quelle astuce? Je vais embrayer d'abord sur l'idée de mon ami Kowako. Moi, je vivais en Allemagne pendant 19 ans. Mais je ne me suis jamais senti chez moi. Bien que je vivais bien par rapport aux autres compatriotes burundais qui sont peut-être sur place. Pas bien comme certains peuvent le penser, mais convenablement. Mais je ne me suis jamais senti chez moi. Jamais. Jamais senti chez moi. Je me suis dit toujours, dès que la paix revienne, dès que les conditions de sécurité, mes conditions de sécurité morale, d'abord, sont remplies, je rentre. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai créé mon parti étant en exil en Allemagne. Pour dire, je pense à mon pays, je fais un projet de société pour mon pays et je dois rentrer. Et c'est ça. Alors, il a parfaitement raison, on ne peut jamais se sentir mieux ailleurs que chez soi. C'est comme si vous aviez une mère malade, peut-être son visage est complètement, gâté si vous voulez, mais vous dites, au lieu de l'abandonner, je vais la soigner. Au lieu de l'abandonner, c'est la même chose qu'une nation, c'est comme une mère malade. Au lieu d'abandonner votre maman, vous dites, ma mère, elle n'est pas bien, elle est malade, elle est même mauvaise, elle a même un mauvais caractère, elle m'insulte, toi imbécile. Mais je dis, c'est ma mère. Je dois aller chez elle et la soigner. Voilà, et rester à côté. C'est important pour, au niveau de la mentalité des réfugiés, c'est comme ça. C'est cette nostalgie qui nous hante, nous qui sommes à l'étranger pendant longtemps. Et les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés, là on n'en parle pas. Maintenant, vous avez posé la question concernant les propositions. Les propositions de solutions. La première proposition de solution, c'est mettre en place une commission mixte chargée de rapatriement. Et cette commission mixte comprend les représentants du pouvoir, les acteurs politiques, la société civile et inclure aussi, je l'ai dit avant, ceux qui sont récemment rapatriés parce qu'ils sont encore en liaison avec ceux qui sont restés derrière. Et puis, en même temps, cette commission devrait... Personnellement, vous êtes encore en liaison avec les membres absolument influents du Sénaret. Absolument. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Même à un certain moment, si vous ne vous entendez pas au niveau politique, c'est la question politique... Quelle serait alors cette astuce que vous pourriez leur partager? Ce n'est pas question de leur partager, c'est une question de transmettre une volonté du pouvoir qui dit le pouvoir veut avec cette commission, les rencontrer, les rassurer, parler ouvertement de cette question de mandat, pour ceux qui en ont, parler concrètement de leur sécurité sur place et préparer moralement leur sécurité intérieure. C'est important. Et après, vous allez voir, les gens ne vont pas aller au HCR ou pour dire voilà, ils y viennent d'eux-mêmes. Vous allez constater que les gens comme moi, ils atterrissent à l'aéroport, ils disent moi, je rentre chez moi parce que je suis sécurisé. Je me sens que mon intérieur sécurisé, mon physique aussi sera sécurisé sur place. Et c'est important. La commission mixte est très importante d'être mise en place le plus tôt possible. Et après, il faut organiser, bien sûr, ces rencontres-là et ces rencontres un peu partout dans les pays limitrophes et faire une forme de diplomatie auprès de certains pays amis ou les pays limitrophes du Burundi pour que les pays aussi s'engagent à convaincre les réfugiés qui sont chez eux. Les pays hôtes. Pas les contraindre. Pas les contraindre de rentrer, mais les convaincre. Parce qu'il faut d'abord rassurer nos pays, les pays limitrophes, qu'au Burundi, ils observent. Ils nous observent. Ils voient l'évolution politique. Et quand ils voient l'évolution politique, il faut aussi aller les voir pour leur expliquer voilà comment on pense améliorer notre sécurité, assurer la sécurité des réfugiés, les installer chez eux. Voilà, voilà. Pensez-vous que les pays hôtes de ces réfugiés peuvent les chasser un jour ? Généralement, ils suivent la Convention de Genève. Il y a des lois internationales que les pays hôtes suivent. Ils ne peuvent pas se lever le matin et dire « nous vous chassons » parce que ils doivent, tous les pays sont soumis aux conventions qu'ils ont signées un jour. Mmh. Alors, mais ils ne peuvent pas les chasser. Mais c'est quand ils sont convaincus, ils vont aussi les convaincre. De dire, voilà, nous avons parlé avec les représentants de votre pays et maintenant, voilà, ils nous ont dit ceci. Et nous aussi, nous avons été là-bas. C'est réel, la sécurité, la paix est là. Mmh. Hein. Le plus important pour chaque pays, c'est la paix. La paix, comme la Tanzanie a construit la paix, et maintenant, elle est parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique, la Tanzanie. Elle a commencé à construire la paix. Et maintenant, il faut que le Burundi construise aussi la paix. La paix est importante pour nous tous. Mise en place d'une commission mixte, préparer et organiser des rencontres avec tous les acteurs concernés. Serait-ce possible, Madame Chantal Hatungimana, chargée du rapatriement ? Bon, les propositions de solutions pour qu'il y ait un rapatriement des Burundais afin de répondre à l'appel que Son Excellence Monsieur le Président de la République a lancé aux réfugiés burundais. Ce que je partage avec ces orateurs, c'est que les sensibilisations au niveau donc des pays d'exil sont d'une grande importance pour essayer d'expliquer la situation, essayer de donner l'image actualisée qui est totalement différente de celle au moment où ils ont quitté le pays. Et aussi, un autre aspect qui pourrait encore contribuer, c'est inviter aussi ces réfugiés de venir pour voir, pour eux-mêmes se rendre compte de l'état des lieux, afin qu'eux aussi puissent retourner et raconter ce qu'ils ont vu. Je crois que ça pourrait aider. Madame Chantal Hatungimana, directrice du rapatriement au ministère ayant chargé l'intérieur, merci de votre participation à cette émission. Merci de votre contribution. Merci, merci. Merci à vous, Monsieur Gaspard Kobako. Vous avez été à la tête d'une commission qui était chargée du rapatriement des années 1993. Vous êtes aussi un des responsables du parti CNDD. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Avec un souhait pour terminer, je souhaite que tous les réfugiés qui le désirent puissent rentrer. Pour qu'ils viennent apporter une pierre à l'édifice, c'est-à-dire à la construction de la nation burundaise. Merci. Merci aussi à vous, M. Anissé Niyonkuru, ex-secrétaire exécutif de la plateforme de l'opposition, Sénared. Merci de votre contribution à cette émission. Ah, merci beaucoup. Je dis à tous mes collègues de prendre le courage en main et voilà. Et pour ceux qui ne sont pas sous mandat, de penser au retour au pays pour construire la nation ensemble. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Mise en onde par Albert Nouayo, Renaud Niongheza et Gracia Justicia Tuikeze pour la prise d'image. Francine Diokoubgayo était à la réalisation et à la présentation Léonce Vitalio. Nous vous souhaitons de passer de bons moments, toujours à l'écoute de votre station préférée, la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Thank you.